peut-être mieux garder pour soi. L'amour, l'amour qui coule dans nos veines, de peur que ça ne marche pas. Tu souriais dans ta robe de mer, comme j'ai pu t'aimer en secret. Mon cœur battait quand on se rencontrait. Que de rêves j'ai fait. Dis-moi, faut-il toujours dire que l'on aime? Parfois, vaudrait peut-être mieux garder pour soi. L'amour, l'amour qui coule dans nos veines, de peur que ça ne marche pas. Toi, tu dansais au 14 juillet. Personne d'autre n'existait. Tu es venu t'asseoir à mes côtés, mais je n'ai jamais. L'amour qui coule dans nos veines, de peur que ça ne marche pas.